Bon, j'espère que cette fois il n'y aura pas de soucis techniques. Hein. Nous sommes en direct de la foire de Saint-Romain. Ah merde, mon téléphone. Allô, allô, allô, allô, est-ce qu'on m'entend? Allô? Test micro, 1, 2, 1, 2. On peut y aller. Bon, en ce moment, vous avez tout branché, les câbles, tout, les micros, on peut y aller. Ok, on y va. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode de Quoi qu'il se passe. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Titours. Bonsoir. Alors du coup, c'est la... Oui, c'est... selon l'heure d'écoute, c'est... Voilà. Ça dépend. Donc c'est la première fois que tu viens. Exactement. Ah, ça... Pas trop peur? Ça va, ça va. Alors du coup, quelle sortie as-tu faite? Parce que du coup, c'est une sortie que toi t'as faite et oui. Pas moi. Exactement. J'ai été voir donc l'Expo Ghibli. Il s'appelle exactement Les secrets du layout pour comprendre l'animation de Takahata et Miyazaki. Et donc du coup, ouais, c'était au musée arts ludiques. Voilà, à Paris. Et l'expo est disponible, enfin, est encore ouverte jusqu'au 1er mars, donc dépêchez-vous. Ouais, ouais c'est vrai, j'avais déjà fait une sortie, bah, pas moi personnellement, mais on avait déjà parlé du musée, c'était pour les super-héros. Ouais. Donc c'est vrai que ça, ce musée s'axe vraiment sur toutes sortes de pans de la culture, bah que ce soit américaine, ouais. Française, ou là, ils ont des trucs assez populaires, assez sympas surtout, parce que c'est en plus une première en Europe, qu'on est cette expo, donc ça c'était cool surtout. Et dont des petites exclus mondiales dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc du coup on va faire un petit rappel vite fait, donc le musée des arts ludiques, donc ça se trouve au 34 quai d'Austerlitz à Paris. Voilà, juste à côté de la Seine, pour ceux c'est entre gare d'Austerlitz et gare de Lyon. Ouais, c'est ce que j'avais demandé, si c'était facilement... Voilà. Bah, c'est quand les gens traversent la Seine, là, ils voient un truc qui ressemble, un truc vert dégueulasse qui ressemble à un parcours à hamster, et c'est juste derrière en fait. C'est juste là. Donc on peut pas trop le louper alors? Non. Bien indiqué, vous inquiétez pas. Au niveau des prix, donc du coup il y a plusieurs, à mon avis, ça a des tarifs fixes pour chaque expo. Donc c'est. Ouais, donc je crois que c'est 15,50€ en plein tarif, ouais. 12,50€ en tarif réduit. Et moi j'ai eu la chance d'avoir la place à moins 50% sur vente privée. Ouais. Ils ont avaient fait une vente pendant quelques jours. Bon, malheureusement, là, j'ai vérifié il y a quelques jours, c'était épuisé. Enfin, il y a même plusieurs semaines, c'était épuisé. C'est parti très vite. Ce qui fait que ça m'avait fait 8€ la place. Donc, j'ai sauté dessus. Oui, c'est vrai. Bah, faut. J'y pense pas vraiment, mais il y a souvent des bons trucs sur venteprivée.com. Ah, bah, j'ai revérifié dimanche et il y en a énormément là pour pas mal de choses, des spectacles, des concerts et tout. Donc, ça peut valoir le coup. Ouais, donc, je mettrai le lien si. C'est pas trop connu, ouais. Mais bon, vente privée, ouais, ça... On et l'audio guide est inclus dans le prix, précise, donc je ne sais pas si des fois il faut le payer en plus ou quoi. Après, ouais, ça doit dépendre, à mon avis, des musées. Ou ça mais là, c'est inclus dedans, et c'est indispensable pour cette expo, surtout, parce que j'avais regardé un petit peu avant sur Internet, voir ce que les gens en pensaient, et ils avaient dit, il faut absolument prendre l'audio guide, sinon vous loupez énormément de choses. Voilà. Oui, parce qu'après, on va voir tout ce qui est dessin accroché, puis peut-être des petits encarts pour expliquer vite fait, mais l'audio guide va vraiment plus expliquer le... En fait, il n'y a quasiment aucun encart. Justement, ouais. C'est l'audio guide qui explique vraiment. Moi, je ne sais pas si on rentre dans le vif du sujet de l'expo direct ou pas. Comme tu veux, oui. En fait, parce que dès l'entrée, vous avez des textes explicatifs sur qu'est-ce qu'un layout. Alors du coup, qu'est-ce qu'un layout? Y-O-U-T. En fait, c'est un dessin qui est fait après le storyboard et avant la phase d'animation. Alors c'est un dessin, donc vous avez les scènes des films dessinées, vous avez les personnages, les décors et tout, mais dessus vous aurez des petits gribouillis ou des petits traits un petit peu partout dessus. En fait, c'est toutes les annotations pour que l'équipe d'après, donc soit les animateurs, soit ceux qui vont faire les décors, sachent comment ils doivent animer ce qu'ils voient. Ça va leur dire la mise en scène, ça va leur dire les décors, si tel endroit ça doit plus tourner comme ça ou comme ça, s'il va y avoir un mouvement par rapport à ça, s'il va y avoir un mouvement de caméra, si le personnage il va avoir les yeux grands ouverts, il va fermer les yeux, il va plisser des yeux, il va tourner la tête à droite à gauche. Si vous avez des véhicules, ça va dire la vitesse. Par ouais. exemple, pour Porco Rosso, ça va dire que pour l'avion, pendant tant de temps, l'image, on l'aura sur l'écran, et après, ça va se déplacer à telle vitesse de combien de, on va dire, de centimètres par seconde. Je crois que c'était ce qui était noté dessus. En fait, voilà, c'est énormément détaillé. Donc, c'est ouais, très ouais. important de lire le début, parce que sinon, après, vous loupez tout. Autant si vous avez l'audio guide, ça permet de rattraper, parce qu'ils expliquent les dessins. Il s'attarde sur quelques dessins en vous disant donc là le truc que vous voyez en fait c'est ça et ça veut dire que ça, et si vous loupez ça en fait vous verrez juste des dessins avec des petits gribouillis dessus et vous oui. comprendrez rien. Oui, ça apporte pas grand chose, mais du coup il doit y avoir ouais, une mine d'informations et... Ah ben, en fait c'est, il y a je crois 1300 layouts d'exposés ouais. donc, tous ces dessins ont tous des petites annotations et c'est assez, donc on a vraiment tout, enfin on est rentre vraiment dans le processus créatif de Ghibli. Parce que sachant que c'est eux qui l'ont créé, ouais. ils l'ont créé ça. C'est un truc vraiment officiel. Voilà. En fait, ils l'ont créé. Donc c'est Hayao Miyazaki et Isao Takahata qui l'ont créé il y a très longtemps. Si je me trompe pas, je retrouve ça tout de suite. En 1974, ils travaillaient ouais. sur la série Heidi et ils devaient faire un épisode par semaine. Ouais. Et en gros, c'est ce système de layout, enfin je vais dire dessin, ça sera plus simple, hein, est apparu parce que c'était le rythme imposé l'utilisation de ça. Pour savoir comment, pour que ça soit que le rythme de production s'accélère. Pour vraiment pouvoir Mais, suivre le truc. Du coup, c'est un peu plus travaillé que des storyboards. C'est l'étape d'après. C'est l'étape c'est après le storyboard. Justement, il y a le storyboard oui. et après, il y a ça. Oui, parce que du coup, ouais, en tête, moi, j'ai un storyboard. Ça va être, on va dire, un bonhomme bâton pour représenter le héros, deux, trois indications. Ah non, là, c'est le dessin final. D'accord, les, ouais. Des dessins que dessin tu final. As. Il y en a, par exemple, pour le film Mon voisin, les Yamada, qui a un style assez particulier parce que les traits sont assez grossis et tout. Ils ont fait les dessins. Ils les ont coloriés à l'aquarelle directement. Et ouais. après, par contre, tout le traitement derrière a été fait à l'ordinateur. Toute la colorisation, c'est à l'ordinateur. Mais ils ont la base de prête et en fait, ils travaillent à partir de ça, quoi. C'est, ouais, c'est le truc vraiment quasi fini avec des annotations en plus. Voilà. C'est vraiment pour que les équipes, soit d'animation, soit des décors, partent de là et ils vont faire les couleurs, ils vont animer ce qu'ils voient. Ah, parce que par exemple, là j'ai sur le site des arts ludiques, donc sur la page, et on voit donc une petite fille bah, sur un banc. Oui. Ah, si ah oui, bah, c'est le voyage de Chihiro. Ouais, ok. Ah ça, j'en parle maintenant. Si bah, tu veux. Vas-y. En fait, ce dessin est important parce qu'en fait, à la fin de l'expo, il y a en photo montant. Donc t'as un bond sur un fond vert et en fait tu vas te retrouver assis à côté de Chihiro. Il va prendre en photo, donc tu rentres ton adresse mail, tu valides, et après il t'envoie cette photo avec toi incrustée donc dans l'image mais ouais. modifiée avec des traits. Donc t'es stylisé comme si t'étais dessiné. Ah putain, ça va être bien ça. Je t'enverrai, ou je sais pas s'il y a un site pour mettre la photo, je t'enverrai celle que j'ai faite. Bah ouais, quand je ferai l'article, ouais, voilà. De toute façon, ce sera sur Podcast. Voilà. Ouais. Et j'ai, par contre, je connais la seule personne qui n'a pas reçu sa photo, c'est une copine qui a été quelques jours après, elle était dégoûtée. Ah merde. Mais ouais, c'est. Donc t'es dans le groupe, tu dis putain, je suis dessiné par Miyazaki, c'est trop cool. Bah ouais. Bon, après, ça doit pas être lui personnellement qui fait pour tout le monde, mais bon. Non, mais justement, ce qui est intéressant dans l'expo, c'est que tu apprends qu'il en dessine quelques-uns, justement, les yachts. Ouais. Enfin, au début, genre, par exemple, pour Heidi, c'est lui qui faisait les dessins et c'était Takahata qui les vérifiait. Takahata, dans une des salles, il y a deux vidéos. Dans une des salles, il y a une vidéo où c'est Miyazaki qui interviewait. Dans une autre, c'est Takahata. Et Takahata explique que lui, en fait, il dessine pas. Lui, il va vraiment faire plus, comment dire, fait la conception. Ouais, sera plus proche du storyboard du voilà. coup. Voilà, exactement. Okay. Mais ce qui est marrant, c'est que lui, il dessine pas vraiment, il fait plus la conception, alors que pourtant, lui, il fait quelque chose de vraiment très réaliste. Alors que Miyazaki, lui, son truc, c'est vraiment de surprendre la personne quoi, qui va regarder le film. Lui, il veut vraiment faire jouer l'imaginaire des gens. Donc c'est marrant, le petit contrat, justement, de se dire que ouais. c'est celui qui ne dessine pas, qui, justement, est plus carré dans ses choix. Après, ouais, c'est peut-être justement parce qu'il dessine pas, du coup, il se donne plus de limites ouais. que... Oui, enfin, ça ne veut pas dire parce que dans les derniers films qui ont été faits, il y a quand même Miyazaki qui s'occupe des layouts les plus importants de certaines scènes. Ou dans ce qu'il adore, genre pour Porco Rosso, tous les avions, ou même dans le dernier, donc Le Vent se lève. Et vu qu'il est passionné d'aviation. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc. C'est vraiment. Qui touche un petit peu voilà. sa bille dans l'aviation. Voilà. Donc, surtout dans Le Vent se lève, c'est lui qui a dessiné quasiment tous les avions. Il a même corrigé les plans de certains avions, parce que la ouais. scène de fin du Vent se lève, donc il y a un cimetière d'avions et tout. Et en gros, tous les moteurs d'avions et tous les trucs, il a tout retravaillé. Il a tout refait lui-même. Il a tout refait, ouais. Le okay. truc, il voulait faire ça, quoi. C'est son truc, quoi. Il fait faire ça, quoi. Et par rapport à ça, justement aux avions, une des techniques justement de layout pour faire l'animation, en gros c'est quand si tu prends plusieurs feuilles et en fait tu les mets, tu joins le coin bas droite d'une feuille avec le coin haut gauche d'une autre et tu fais ça plusieurs fois, ce qui fait que tu as vraiment la scène qui défile comme ça sur plusieurs dessins. D'accord, oui. Enfin, pour layout un peu plus, pour entrer plus en détail, en fait c'est une feuille blanche qui fait 17,2 cm sur 32 cm. Il y a un cadre prédessiné avec des pointillés au milieu. Donc il y a l'action au milieu, il y a le petit logo Studio Ghibli au-dessus. Donc je pense que sur le site que tu as été voir, ou si vous cherchez sur internet, vous verrez des exemples et tout. Et tu as toutes les petites annotations qui sont tout autour et qui sont même des fois directement sur le dessin. Par exemple, pour Porco Rosso, quand il est dans son avion, donc on voit le dessin, il y a plein de petits ronds rouges un petit peu partout pour donner justement l'illusion de la vitesse et tout. Vous aurez des petits trucs pour dire l'avion va dans telle direction. Enfin, c'est hyper détaillé, quoi. C'est vraiment... Ouais, j'essaye de chercher là, sur Google Images l'image que tu parles, mais c'est vrai, là, juste en tapant layout Ghibli, il y en a plein. Voilà. En fait, justement, c'est pas que des dessins. Vous auriez pu faire des imprimés écran du dessin animé, mais non, c'est vraiment les dessins qui ont servi pour créer le film. Donc, pour les premiers films, les plus anciens, il n'y en a pas beaucoup, soit parce qu'ils n'ont pas été conservés, soit parce qu'ils ont été jetés. Ouais. Parce qu'ils se désiraient, ça ne servait pas à grand chose d'en garder. Oui. Un truc très sympa, dans une salle, en fait, ils ont fait tout ce qui est pré-Ghibli. Tout ce qu'ont pu faire Takahata et Miyazaki avant. Donc il y a Heidi donc en 74, il y a des dessins aussi du château de Cagliostro, qui est le premier long métrage réalisé par Miyazaki. Il l'avait ouais. fait en 6 mois, ils avaient fait très peu de layout justement. Il y a plusieurs épisodes plusieurs dessins d'Edgar, le détective cambrioleur. Ouais. Peut-être dû voir, parce que Miyazaki avait fait quelques épisodes de ça. Il y a Sherlock Holmes aussi. Qui est fait par Miyazaki, qui était une coproduction entre le Japon et l'Italie. Il y en a quelques autres aussi. Ah oui, il y en a un qui m'a fait marrer. C'est qui est la petite peste. À un moment, t'as un chat au comptoir, dans un restaurant, et ça m'a trop fait penser à Roméo de Lucille Amour et Rock'n'Roll. J'avais l'impression de voir le même, quoi. Voilà. C'est peut-être un clin d'œil très souligné. Ils ont peut-être repris. Et aussi, pareil, il y a quelques dessins de Conan, le fils du futur. Je crois c'était la première série de Miyazaki en 78 ouais. sur laquelle il avait travaillé. Et un des personnages, c'est le sosie de Chiita. Il est dans le château dans le ciel. Bah, ça, ouais. Après, il a souvent le même trait pour les character design. Ouais. Bah oui, ils ont un style après qui se retrouve énormément. C'est vrai, putain, je suis en train de voir, ouais, juste sur les images de Google Images, il y a un travail, putain, ouais. C'est alors, ce qui est super sympa, c'est que donc tous les premiers films, en fait, c'est assez chronologique, l'expo, donc ça commence par les films les plus anciens, et arrivé à peu près vers... ça commence vraiment, ce qui est vraiment intéressant, c'est à partir de Nausicaa, parce que c'est vraiment un des anciens que les gens ont pu voir, où il y a vraiment le duo guide, où t'as justement la voix qui va t'expliquer que il y a la BO du film en plus en fond, donc tu te rappelles du film, c'est vraiment imprégnant dedans, tu reviens dedans, t'as les images du film qui reviennent, donc où on voit les grosses bestioles avec plein d'œils partout là qui sont en train de se bouger, et ils expliquent comment ils ont fait le truc, comment ils ont expliqué que la surface était assez, ils avaient fait une aquarelle assez fine, et ce qui fait qu'ils éclairaient par en dessous pour donner vraiment le mouvement en plus des personnages, enfin du monstre et tout quoi. Donc c'est, y a vraiment les techniques d'animation aussi qui sont un peu expliquées. Oui, donc c'est vrai, c'est vraiment une expo assez complète sur voilà, le sujet quand vraiment, même. Ça, tu apprends comment ils font leurs films. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Oui. C'est pas juste des dessins où tu regardes, ouais, c'est joli. Oui. Voilà. Et alors, ce qui est sympa aussi, c'est que quand tu commences à arriver dans la salle de Princesse Mononoke, t'as un des layouts avec un des loups qui est imprimé en géant, mais sur tout le mur. Putain, ça doit bien... En gros, ça fait 5, 6, 7, 8 mètres de large sur 3 mètres de haut. Donc ça rend... enfin, niveau déco, quoi, tu te dis, ouais, pourquoi s'emmerder, vouloir faire de la déco, tu balances le truc, et voilà, quoi, c'est assez impressionnant. Ouais, ça en jette. Ouais, et juste après, t'as une sorte de petite arche, et en face de l'arche, t'as l'entrée du palais du film Le Voyage de Chihiro, donc le palais du Ubaba. Et en grand, donc t'as le truc, et en fait c'est le layout, pareil, c'est le dessin préparatoire que tu vois un peu plus loin qui a été fait en grandeur réelle. Donc le truc c'est superposé comme tout, le dessin original, je crois qu'il fait quasiment un mètre de haut, quoi. C'est un truc de malade. Et donc là il est en grandi, ce qui fait tout le mur, et donc t'arrives devant le machin et là t'es là, mais c'est génial quoi. Là je suis en train de voir, je mets le lien dans la chat, mais ça donne un petit peu cet aperçu là en fait. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, voilà. C'est ça. Donc là, pour expliquer un petit peu, c'est vrai, on a vraiment le layout mural, ouais. Vraiment toute la place du mur, et les autres layouts qui sont encadrés au centre du mur. Donc comme tu peux voir, en haut, t'as Studio Ghibli avec le truc, à côté, t'as la scène. Je sais pas si tu vois, t'as un arbre, t'as des petits dessins rouges à côté. À droite ou à gauche? À gauche, voilà. Ouais, vraiment à gauche, à fin d'image. Ouais, en bas, en fait, t'as 1, 2, 3, 3e rangée de tableaux, un peu en dessous. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, pour ce qu'ils expliquent aussi, c'est que chez Ghibli, il y a des personnes qui sont quasiment dédiées à un type d'animation. Donc, t'as une dame qui s'occupe principalement d'animer tout ce qui est végétal. Donc c'est gros pour le château ambulant, c'est le château dans le ciel quand ils arrivent avec le vaisseau qui vole et tout, avec l'arbre qui est au milieu, c'est elle qui s'en est occupée. Pareil pour Princesse Mononoke, t'as beaucoup d'arbres, beaucoup de trucs qui se déplacent, en fait c'est elle qui gère tout ça, parce qu'elle est vraiment... c'est vraiment son truc. Ouais. Ouais, après, chacun doit avoir des spécificités. Voilà. Après, il y en a qui sont spécialisés dans les personnages, dans les visages. Il y en a d'autres qui font des mouvements. Pareil, par rapport à... T'as une petite vidéo qui est diffusée par rapport à Princesse Mononoke, qui explique aussi comment faire pour avoir donné une impression de profondeur ou du rythme. En gros, t'as les loups qui courent le long de la paroi, et dire pour donner un peu plus de profondeur, on va rajouter des arbres au premier plan. Ce qui fait qu'on va avoir les loups qui vont être entre les arbres et la paroi, et avec la vitesse, ça va donner un truc en plus. Donc on va donner du mouvement aux arbres et tout, ça va accentuer la vitesse. Donc c'est vrai que ça modifie la perception. Donc il y a plein de petits, en plus de toutes les annotations et tout, il y a des petits, enfin t'apprends des petits détails en plus comme ça, donc c'est vraiment super sympa. Et donc là, je crois qu'une des plus belles salles, c'est celle qui concerne le voyage de Chihiro. En tout, il y a 1300 layouts qui sont exposés, et pour le voyage de Chihiro, t'en as 600. En fait, t'as 14 tableaux enfin c'est des, enfin des cadres mais des versions XXL et qui regroupe à peu près 600 layouts en tout. Donc c'est vraiment impressionnant à voir. Donc certains ils sont scotchés les uns aux autres parce que ça représente une scène entière. Donc c'est vraiment assez magnifique. Et c'est dans cette salle où il y a justement l'interview de Miyazaki qui explique pourquoi ils ont créé les layouts, comment les utiliser. Donc et d'où ça vient. Donc il explique le côté, le truc quand il travaille sur Heidi. On dit on doit avoir du rendement et ça s'est imposé à eux en fait. C'est pas eux qui se sont dit tiens on va l'utiliser parce que c'est intéressant, ils se sont dit non on l'utilise parce qu'on n'a pas le choix en fait. Parce qu'on en a besoin. Et finalement ben, c'est resté quoi, ils ont toujours travaillé comme ça. Et aussi pareil, un truc qui est sympa au niveau du décor, c'est après la salle voyage du Chihiro, avant d'arriver dans le château ambulant, ils ont reproduit en fait une. Enfin il y a un petit couloir, en fait ils ont reproduit l'entrée du couloir avant le bureau du Yubaba. Donc t'as les dalles, t'as le carrelage, ça je l'ai pris en photo, je te l'enverrai, comme ça tu pourras le mettre sur le site. Ouais. C'était interdit aux photos, mais bon. C'était génial, il y avait des trucs interdits aux photos, et t'avais un gars, il essayait de prendre des photos discrètement, mais il y avait le bruit de l'appareil photo sur son portable, il avait pas calé le gars. Donc il collait son téléphone contre lui, genre c'est bon, personne regarde, cling-cling. Et là, clic-clic. J'étais là, mais t'es sérieux mec, mais bon bref. Donc j'ai évité de le faire parce que bon ça rend moche et en plus à la fin de l'expo il y a le bouquin qui fait je sais pas combien 500 pages où il y a tous les dessins. Ouais, donc ça c'est cool. Donc plutôt que se prendre des photos dégueulasses, sachant que photos il y en a déjà, tu peux en trouver sur internet des jolies. Bah, sachant qu'il est édité que par le musée, donc il sera pas mis en vente après. Il n'y a pas d'ISBN, il n'y a pas de prix, il n'y a rien. Donc c'est là-bas ou jamais. Donc s'il y en a qui veulent y aller, moi je me suis dit, parce qu'après tous les autres trucs, t'as des mugs, des petites peluches et tout, mais ça coûte assez cher. Et là, le bouquin. Après, c'est tout ce qui était le produit officiel Ghibli, c'est toujours assez. Et donc là, t'as le bouquin, je crois qu'il est à 35€, mais t'as tout, quoi. Et il est. C'est du beau livre. La qualité est magnifique. Je trouve que ça va quand même. 35€ pour un livre d'une exposition, c'est assez correct. Ouais, sachant que tous les dessins rendent super bien, quoi. Faut se le dire, quoi. Même si c'est des trucs au crayon à papier qui ont été faits il y a 20, 30, 30 ans, honnêtement, voilà, quoi. Si vous aimez Miyazaki, vous aimez Ghibli, vous serez content, quoi. Vous êtes là, mais je reconnais ça, c'est dans tel moment du film, il se passe ça, quoi. C'est vraiment super sympa, quoi. Donc il y a pareil aussi un moment un peu plus loin, donc tu as la salle, parce que c'est vraiment après les gros films sont découpés en salles, donc il y a vraiment des parties. Il y a Ponyo sur la falaise, et là il y a un cadre où tu as donc les yachts noir et blanc sur 3 km de long, en dessous en couleur, en dessous noir et blanc, en dessous couleur. Pourquoi? Ah oui, ouais, donc vraiment les étapes. Voilà. Parce qu'en fait, pour Ponyo, ils se sont dit tiens on va s'amuser en fait. Je sais pas si tu l'as vu le film ou pas. Au début t'as Ponyo avec toutes ses sœurs, t'as tous les petits personnages, toutes les créatures sont indépendantes l'une de l'autre, ils les ont toutes animées. Je crois que j'avais déjà fait j'avais vu qu'ils étaient un petit peu différents. Voilà. Chacun avait détail. Ils sont tous animés un par un. Donc ils sont pas dit on va faire un mouvement de masse et tout, non, ils sont tous indépendants, quoi. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment amusés, quoi. Le boulot de malade quand même, quand ils repensent. Donc c'est tout fait à l'aquarelle et tout, donc c'est tout peint à l'aquarelle, et pareil, donc ça permet de, si tu mets la lumière dessous pour donner des contrastes et tout, donc c'est, enfin ça il explique aussi pareil avec l'audio guide, donc c'est vraiment important de l'avoir. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve le nom de celui qui l'a fait. Je sais plus son nom, mais il présentait le journal télévisé sur TF1 ou France 2. Je sais plus comment il s'appelle, un petit jeune. Ah, comme ça, je pourrais pas t'aider. Bon, on fera plus une petite pause. Il est dans une préface dans un autre bouquin. Je te dirai ça dans 5 minutes. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'expo tout. Parce que j'ai pris pas mal de notes, en fait. Je me suis dit, tiens, je vais passer dans l'émission, faut que je fasse attention. Faut que je travaille un peu. Ouais, parce que, en fait, ce qui est sympa, c'est que sur vraiment tous les films, il y a toujours des petites anecdotes. Pareil, pour la colline au Coquelicot, ils expliquent que, donc là, c'est le premier film du Goro Miyazaki, donc le fils de Miyazaki, qui, avec Coquelicot, dans le nom qui fait référence à la France, parce que c'est un nom français. Donc après, j'ai regardé sur internet, j'ai vu d'autres noms différents. Donc alors peut-être que la traduction, ils ont traduit complètement. Ils n'ont pas suivi, ouais, après. Voilà. Après, je crois que, parce qu'en plus, il y a pas mal de justement de films, donc ils modifient les noms entre-temps. Ils disent, tiens, on va le sortir comme ça, et finalement, quelques temps après, ils le rechangent. Donc c'est assez particulier. Ça, à mon avis, je pense que ça doit arriver quand même sur... peut-être pas sur tous les films, mais sur une bonne partie de films en général, ouais. Je pense. Mmh. Bah, surtout après, vu qu'il des fois, ils les sortent longtemps après, en France, c'est un peu le problème. Je me rappelle, Le Voyage de Chihiro, bah, c'est un, je crois quasiment le premier que j'ai vu au cinéma. Je crois que c'est même le premier que j'ai vu. Et ah ouais quand je vois le film, au début, je me dis, il fait un peu vieillot. Mais après, tu rentres dedans, tu le trouves magnifique. Et en fait, tu te rends compte que le film, il a 20 ans, quoi. Oui. Ou 30 ans, je ne sais plus exactement, mais tu dis, ah ouais, quand même. Ça m'a fait la même chose avec le Château dans le ciel. Au début, tu dis les dessins, ah ça, tiens, ça me rappelle, genre les manettes des machines et tout. Tu dis, tiens, ça me rappelle Steam Boy qui avait fait ta annoncé Otomo. Ah bah oui, forcément, il est copain avec les autres, donc c'est forcément. La même époque. Voilà. Voilà, et tu dis, le truc, il a 30 ans, quoi. Tu dis, mais non, c'est pas possible, quoi. C'est, et tu vois la qualité du truc, mais ça, tu te dis pas, c'est aussi vieux que ça, quoi. C'est ça qui est génial. Oui, ouais, tu penses pas que ça va être 30 ans, c'est, tu dis, ouais, ça. Peut-être 5-6 ans, un voilà, truc du genre. Enfin, t'as l'impression qu'ils datent tous à peu près de la même époque. À part le dernier que j'ai vu, bah, c'est Le Vent se lève. Où là, forcément, bah, après, je l'avais vu au Max Linder et tout, donc c'était une qualité, oui. Je crois, des CP et tout, donc forcément, ça rendait super clean. Ça changeait un petit peu, mais bon, c'est après, c'est t'as le même ressenti de temps. Une fois que t'es dedans, quoi, après, c'est voilà, quoi, t'es ailleurs. Justement, il y avait justement les yachts du. Non, c'était pas du Vent se lève, c'était de Souvenir de Marnie. Qui est le dernier. Ah, donc, ça, c'est vraiment le tout dernier voilà. Qui est sorti. Voilà. Ouais. Qui est sorti, et donc là, c'était la première fois que c'était exposé, c'était une première mondiale. Ouais, en plus. Et... Oui, parce qu'on... Ouais, il est pas vieux le film. Non, il est sorti juillet, là cette année. Juillet 2014. Et sachant aussi que c'est la première fois que ni Hayao Miyazaki ni Takahata n'interviennent dans une production Ghibli. Ouais. Donc ils sont ni scénaristes, ni producteurs, ni réalisateurs. Oui, puisque Miyazaki, ça fait un an qu'il a pris vraiment sa retraite de... Ouais, c'était en 2013 avec Ghibli. Le Vent se lève, 2013. C'était son dernier. Et comme il explique, il avait expliqué que ça prend vraiment du temps pour en faire un, pour le faire bien. Et il s'est dit, si je continue, ça me prend tant de temps, j'aurai tel âge, je serai peut-être pas... Oui. Je pourrais peut-être pas faire ce que je veux ou le faire aboutir aussi proprement que je voudrais. Donc il a préféré arrêter. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il va peut-être pas recommencer. Oui, mais je crois ouais, c'était ça, c'est qu'il l'avait arrêté avec Ghibli en tout cas, mais après il pourrait... Mais enfin, pour Takahata, lui, donc il va sortir le conte de la princesse Kaguya. Donc, je crois qu'il n'est pas encore sorti, ou il va bientôt sortir. Et en fait, ça faisait 14 ans que Takahata n'avait pas fait de film. Et ce qui est assez marrant là-dessus, c'est que t'as même des annotations directement pour les animateurs. En gros, il y en a un, c'est « merci de refaire le cadre ». Il y en a un où c'est limite « désolé pour un truc, désolé parce que ça va donner beaucoup de boulot, tous les trucs que j'ai mis, quoi ». Donc c'est vraiment un moyen, pas seulement de donner les instructions, mais vraiment de communiquer avec la personne, quoi. Oui, ouais, après ça peut. Oui, parce qu'avec un dessin, on peut peut-être donner une idée ou un style, mais on peut peut-être pas donner une façon de faire ou voir comment on peut le faire bouger aussi. Bah après, ouais, si, plus ou moins, mais là, c'est plus le côté, le relationnel qui vraiment ajoute petit à petit. Quoi. Ils se disent, maintenant c'est notre truc, on sait faire, allez, on y va, quoi, on y va. Vas-y, n'oublie pas de. C'est un petit peu notre bébé, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une expo vraiment super sympa. Et ouais, j'y ai passé 3 heures en fait en tout. Ouais, bah c'est vrai que dans ce genre d'expo, quand c'est des images ou des layouts ou des planches originelles de BD ou de storyboard, tu peux vite passer ton temps dessus à regarder chaque détail d'image. Ouais. Ou il y en a qui passent très vite, quoi. Il y en a qui regardaient vite fait et qui se barraient parce qu'ils avaient ni lu le truc à l'entrée. Je les ai vus tracer et ils avaient ni l'audio guide, ce qui fait que après tu vas dire c'est des dessins. Ouais. Non, c'est pas que des dessins. Surtout là, c'est un truc en plus. Ouais. T'as vraiment les secrets de fabrication, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais, moi, je crois que c'est bah, dans justement le podcast que j'ai fait avec Gandalf. Mmh. Il était justement monté sur Paris et qu'il avait fait l'expo Marvel. Ouais, pour les super-héros, ouais. Ouais, où justement il disait, bah, lui, il regardait peut-être pas vraiment dans le détail fin chaque planche, mais tu vois, il s'attardait quand même un petit peu dessus. Ouais. Et il y en a, il voyait, bah, en 30 minutes, ils avaient déjà fait le tour. Mmh. Je lui dis, oui, bah, 30 minutes, ça sert à rien de venir. C'est ouais. Content pour apprécier quand même. Ouais, tu vas autant regarder les films ou autant rester chez soi pour regarder les trucs, quoi, ça revient même, quoi. Et là, ouais, comment on va regarder sur Google Images, ça fait pareil. Voilà, non, là, t'as les originaux, là, t'as vraiment le détail, t'as ce que tu verras pas ailleurs, quoi. C'est vraiment ça qui est. Et puis après, ouais, tu dois avoir quand même une ambiance bah, créée exprès pour l'expo. Ouais. Bah oui, après, c'est assez calme et tout, ça gueulait pas trop, il y avait pas trop de gamins, donc ça, c'était cool. Ouais. C'est donc, toujours un plus quand il n'y a pas de gamins dans les expos. Hein. Et ce qui est sympa, pour moi, l'audio guide, à chaque fois, tu avais le fond musical du film et tout. Donc, après, tu en avais, t'en avais 30 à peu près. Je crois que c'est 28 ou 29, je sais plus exactement. Vraiment, où ça t'expliquait le truc. Donc, c'est, en gros, j'avançais un petit peu, je remettais le casque sur les oreilles, j'écoutais le truc. Ah ouais, sympa, hop, je posais le casque, hop, je continuais à regarder. Donc voilà quoi, t'es pas accroché à ton truc, tu peux regarder librement, écoute les vidéos après tranquillou, quoi, c'est pas, on va dire, ça t'oblige pas à... Ouais, à toujours avoir l'audio guide sur les oreilles. Voilà. Tu peux suivre l'expo comme tu veux après, après tu peux retourner en arrière. Moi je suis retourné voir certains trucs parce que j'avais envie de les revoir, il y avait un peu de monde devant. Tous les dessins pour Ponyo à l'aquarelle et tout, je me suis dit, tiens, faut que j'aille retourner voir le truc, c'est magnifique, quoi. Voilà, c'est... moyen de se faire plaisir. Voilà, bon, en t'écoutant parler et en regardant les dessins sur Google Images, je fais ça mérite quand même le déplacement d'aller voir. Donc, bah, jusqu'au 1er mars, donc dépêche-toi. Oui, non, mais Paris, c'est un petit peu loin aussi. Hein. Ouais, mais bon, allez. Ah bah, et quand ça viendra sur Toulouse ou plus proche, je suis pas sûr que ça vienne. Ouais, non, je ne pas non plus. Sinon, on trouve quelqu'un pour t'acheter le bouquin. Tu le vends pas? Le mien, non. Je l'avais même sorti de son blister tout à l'heure. Je l'avais pas encore fait, je l'avais gardé. Ça faisait un mois que je l'avais sous blister. Je ne sais pas y toucher, je me suis dit, bon, je vais quand même le regarder. Il l'a ouvert exprès. Et oui. Ça t'a fait un petit pincement au cœur, non? Même pas? Ah oui. Mais bon, après, j'ai vu les dessins à l'intérieur, je me suis dit, ouais, bon, finalement. Ouais, ça le mérite. En fait, il faut l'acheter en deux fois. Un que tu ouvres et un que tu gardes sous blister. Limite. Bon, c'est vraiment un beau bouquin. En plus, qui est la première page, en fait, c'est une scène de Princesse Mononoké. Ouais, parce que, ouais, en regardant pareil sur Google Images, il y avait plusieurs versions et avec l'élan, je crois. Voilà. Et j'ai oublié le nom du personnage masculin. Enfin, bref. Avec tous les petits dessins et tout, donc tu vois, non, ça va, c'est... Oui. Il y a pas mal justement à l'intérieur aussi des pages qui se déplient un petit peu pour certains dessins colorés et tout, pour chaque film plus important. Ouais. Donc ça rend pas mal aussi, quoi. Ça permet d'avoir certains dessins en grand, genre là, du Ponyo en grand, là c'est... Limite, ouais, en taille réelle. Et tout. Bah oui, je crois que... Ou un peu plus grand. Je crois que c'est quasiment taille réelle, en fait, voire même un petit peu plus. Où il y a vraiment tous les détails et tout, avec tous les petits traits. Oui, pour certains aussi, quand il y avait des petites marques rouges en haut du truc, ça voulait dire que c'était Miyazaki qui l'avait réalisé ou qui l'avait vérifié le truc. D'accord, ouais, donc c'était Miyazaki approuvé. Voilà, donc là, tu pouvais voir le petit pincement au cœur en disant « Oh, c'est Miyazaki qui l'a fait !» Je pose les yeux là où il a posé ses yeux aussi. Voilà, t'es déterminé, j'ai envie de partir avec, mais non, il y a un gars qui regarde, ça serait pas très discret, mais bon. Et finalement, bah, tu prends le bouquin à la fin parce que tu te dis, ouais, je veux quand même un petit souvenir. Il y a aussi de magnifiques cartes postales. J'en ai pris 2-3 aussi. Ouais, c'est vrai que ça peut être assez cool aussi d'avoir des cartes postales. Ouais. Le livre, je pense que ça va être le mieux. Ouais, le livre, il y a tout dedans. C'est ça qui est génial. Il y a quelques pages au début justement où ils expliquent que c'est le layout. T'as justement le. Alors attends que je reviens dessus. La place du layout, justement, il monte. Donc t'as la pré-production, le scénario, le storyboard. Donc après t'as dessin, le concept design, le layout qui arrive. Et après ça passe à l'animation. Donc d'un côté en 3D, de l'autre côté les décors. Et après t'as le traçage et le gouachage. l'imagerie numérique, le montage, le son et la fin. Et tel film. Et on kiffe. Voilà. Totalement. Et que quand je suis rentré, après, je me suis refait le concert anniversaire de Joe Hisaishi, là, à Budokan. C'est énorme. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. T'avais pas fait les nuits au max, Miyazaki, non ? Et ce plaisir-là. Pour ceux qui sont venus, vous avez pu voir un concert justement de Hisaishi qui reprend tous les grands thèmes des films. Et donc j'avais réussi à le choper et c'est assez magnifique. C'est pas le mois prochain, c'est pas en mars, avril ou mai, il y a une nouvelle nuit Miyazaki qui arrive, côté de Ghibli, parce qu'on en a déjà fait trois, donc il y aura sûrement Porco Rosso, qu'on n'a pas encore diffusé, et pour les deux autres, on sait pas encore. Ah, le suspense. J'essaierai de relayer ça en temps et en heure. Oui, ça y aura encore un peu de marche. La prochaine, c'est sur Final Fantasy. Hop, ça reste dans l'animation. Ouais, du coup, ouais... Je pense que tu peux expliquer ce que c'est les New Max, du coup, Oui, bah en fait, les New Max, donc c'est au cinéma Max Linder à Paris, c'est la meilleure salle de cinéma de Paris, on va dire, soyons honnêtes. Et l'originalité de la salle, c'est que c'est sur 3 étages, donc vous avez en gros rez-de-chaussée, mezzanine et balcon. Et n'importe où dans la salle, même si vous êtes au fond, dans un coin, vous voyez bien, vous êtes bien installé, les sièges rangés par rangés sont décalés. Il fait que vous aurez jamais la tête de quelqu'un qui dépassera juste devant vous. Vous aurez peut-être cet angle, mais sur le côté. C'est pas mal. Ouais. Donc ça déjà, c'est bien intéressant. Il y a assez de place pour les jambes. Donc il y a des petits soucis de dos. Donc des fois, je suis toujours en train de me tordre dans tous les sens quand ça commence à chatouiller. Je peux poser mes jambes sans avoir à tuer quelqu'un. Donc ça, c'est pratique. Et donc, une fois par mois, donc c'est le première ou deuxième semaine du mois, maintenant, il y a de minuit à 8, 9 heures, 10 heures du matin, il y a 3 films qui sont diffusés. Donc, on avait déjà fait la nuit Retour vers le futur, qui revient en octobre, forcément. Ouais, nouvelle fois. Octobre 2015, hein, on est obligé, ouais, on n'a pas le choix. Ça va tomber le même jour ou... peut-être pas, mais on va essayer, enfin, ils vont essayer de coordonner plus ou moins ça. Il y avait une nuit Evil Dead, il y avait une nuit Jurassic Park, la dernière en date, c'était la nuit Matrix. Ouais, c'est, ouais, j'ai vu ça sur Twitter. Voilà, revoir le premier au cinéma et la scène de fin du troisième, ça a de la gueule. Il y avait même à 7h du matin après une quasi nuit blanche, ça. Eh bien, le café est offert entre chaque séance. Ah. Et oui. Ah, c'est vrai parce que du coup, il doit y avoir des entr'actes, ah, des oui, jeux. Oui, il y a des petits entr'actes qui durent au moins une demi-heure, donc les gens ont le temps d'aller se dégourdir les jambes, de sortir un petit peu, de faire une petite sieste entre les films s'ils veulent. Oui. Entre le premier et le deuxième film, il y a une tombola. Donc, je me rappelle pour la dernière Miyazaki, il y avait, on va dire, un peu moins de 600 personnes, il y avait 60 lots. Donc, il y avait une chance sur 10 de gagner quelque chose. Donc, ouais, c'était pas mal. Donc, ça va. Des tombolas, il n'y en a pas à chaque film, et selon le film, des fois, il y a pas mal de trucs sympas. Genre, pour Matrix, c'était des coffrets DVD. Il y avait 10 coffrets DVD de bah, des films à gagner. Donc et des fois, il y a quand même des trucs... C'est toujours ça à prendre, quoi. Il y a des trucs pas mal sympas. Enfin, je crois que c'est pour les nuits Miyazaki où il y a toujours eu les plus gros cadeaux, je crois, qui en a eu le plus. Donc ouais. Ça valait le coup. Ouais, bah après, ça, oui, ça va être des événements officiels voilà, aussi, ouais, aussi, ouais. Donc, t'avais les DVD, les artwork, enfin, t'avais pas mal de choses différentes. Et il y a toujours, après, pour certaines nuits, un petit dress code pour certains qui viennent déguiser et tout, donc c'est, ça rajoute un petit truc, c'est toujours sympa. Et tout ça pour 16 euros pour la nuit, avec le petit déj inclus offert le matin, quand vous sortez à 8h30. Bah, vous avez 300 verres de jus d'orange qui sont prêts, qui vous attendent, et autant de viennoiseries gentiment offertes. Bah ça, pour ce prix-là, ça fait limite une séance de cinéma et on voit trois voilà. films. Et si, vous dormez dans la salle, c'est pas grave, vous serez pas les seuls. Hein. Moi, je me rappelle, on avait fait la nuit Miyazaki avec Ponyo en dernier, à 6h du mat. Ouais. J'ai envie de vous dire que je crois que c'est la fois où il y a le plus de monde que j'ai vu dormir dans la salle. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en plus, Ponyo, ouais, c'est quand même assez lent. Bah, c'est pour les enfants. C'est dit dans l'expo, de toute façon, c'est voulu et c'est assumé. C'est vraiment pour les enfants. Mais bon, ça reste sympa visuellement, ça reste quand même sympathique. Mais c'est clair que c'était un peu difficile. Mais bon, c'est sûr, contrairement à les murs Retour vers le futur, où dès la première image, t'avais toute la salle qui criait, tout, oui, qui applaudissait. Oui. Voilà. C'est sûr, c'est pas du tout la même ambiance. Vous êtes avec des vrais fans, avec des gens qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent pas, des gens qui viennent pas là par hasard. Enfin, certaines nuits, si, mais généralement, non. Et pareil, on avait fait une nuit rétro gaming où il y avait eu Tron, le premier, Wargames. Ouais. Et The Last Starfighter, donc c'est aussi l'occasion de voir des vieux films bah, qu'on n'a jamais vu au cinéma. Et même rien que Retour vers le futur, le revoir sur un écran de cinéma, le film c'est plus le même, honnêtement. Oui, et puis du coup, oui, ça va être au niveau de la qualité du film, c'est pas les copies d'origine, c'est les trucs bah, retravaillés. C'est souvent soit du. Alors, vu que David, donc Mr. D, qui organise ça, est hyper tatillon sur la qualité. Donc il teste tout ce qu'il peut récupérer. Il teste, si le DCP ça passe pas bien, il va essayer le Blu-ray, si le Blu-ray passe pas, il va essayer le 35mm. Enfin, ça, et sur la même nuit, il peut tester, il peut faire plusieurs trucs. Pour la nuit Burton, on est passé de L'étrange Noël de Monsieur Jack en DCP numérique, 4K, à Sleepy Hollow en 35mm. Donc vous passez d'une image propre, nickel, rien. Et là, vous passez à Sleepy Hollow, et là, ça commence, et vous voyez plein de petits grains qui clignotent sur l'écran. Donc, ça perturbe pendant les 5 premières minutes, mais après, vous êtes dedans, vous vous en foutez, quoi. Vous le voyez plus. Oui, après, on est vraiment immergé dans le film. Voilà, c'est ça qui est sympa. Et alors, ce qui avait été très sympa, c'était pour Jurassic Park. Le premier était en 3D, et ils avaient mis une lunette 6K, beaucoup plus lumineuse, pour compenser la perte de luminosité de la 3D. Donc les gars, et l'écran est compatible aussi, donc c'est vraiment, voilà, ils savent ce qu'ils font, et ils font ça bien. Ce qui fait que niveau perte de luminosité, il n'y en avait quasiment pas. Enfin, le film est resté quand même, c'est assez sombre quand même, et même avec la 3D, ça restait magnifique. Voilà. Okay. Bien des Max. Vous verrez rentrer Ticket Fnac, c'est moi. De toute façon, oui, sortez, faites des sorties, allez voir des expos ou des soirées comme ça, c'est... Voilà. Il y a des choses très sympas à faire. Du coup, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Ghibli ou sur l'expo ou... Oh, bah après, c'est qu'on commence à parler de Ghibli, on n'a pas fini, hein, si on parle de tout. Hein. J'ai envie de te dire... J'ai juste une question comme ça. Quel est ton premier souvenir Ghibli? C'était le voyage de Chihiro. Ouais. Au cinéma, c'est le premier. Enfin, j'en avais peut-être vu d'autres avant à la télé, mais je n'avais pas vraiment fait attention. Il y avait celui-là qui était au cinéma. J'étais avec ma copine de l'époque, on avait été voir ça, et celui-là, il est quand même assez prenant parce que ça commence assez gentillé l'histoire, et après vous dites ouais non, ça c'est pas pour les enfants en fait. Hein. Oui, non. C'est quoi, c'est un dessin animé? Non, c'est pas un dessin animé ça. C'est des dessins animés, mais c'est pour les adultes. Dis-toi que j'ai vu avec ma mère au cinéma quand c'est sorti la Princesse Mononoké. Ah oui. Ah ouais, et... le début, ça fait bizarre hein, quand il tire les flèches qu'il y a. Ah bah, pas que le début, dès que il y a les scènes de combat ou des membres en moins, ah bah oui. Ouais, non, mais c'est pas pour les enfants. Une tête en moins, un bras en moins, une jambe en moins, hop là, c'est la fête. Quand est-ce que c'est sorti au cinéma en France? Fin 90, je pense. Lequel tu dis Princesse Mononoke. Ouais, je sais plus exactement, mais ouais, mais ça fait un. Ça fait un moment, mais pas tant que ça en fait, vu que ça a été énormément sorti en décalé, oui. À cause de Disney qui a plus ou moins les droits pour les diffuser en France, si j'ai bien compris. Un peu le bordel. Ah sinon, aussi, dans les films très sympas d'animation, c'est pas du Ghibli, mais c'est pas loin, c'est Katsuhiro Otomo qui a fait Steam Boy. Ah ça ouais, je l'ai vu aussi. C'est un côté animation, steampunk et tout. Mais pareil, avec des enfants comme héros et tout, ouais. il est absolument magnifique celui-là. Ouais, ça, Steam Boy, je l'ai vu dans un festival de dessins animés près de chez moi. Et ça, dans une petite salle de cinéma où c'était pas beaucoup, il y avait ça et Persepolis. Ouais, ça devait pas être mal ça aussi. Ouais. Donc du coup, ouais, Princesse Mononoke, c'est sorti le 12 janvier 2010. Ouais, ouais, ouais, t'as vu, ouais, c'est pas si loin que ça. Ouais, j'avais 10 ans quand je l'ai vu. Ouais. un dessin animé à 10 ans où t'as des membres un petit peu bah, démembrés. Ouais. Ah bah c'est il y en a un, il perd un bras, il perd une jambe, il perd la tête. Enfin, ce qui est marrant, c'est que c'est assez. Ça fait un peu cartoon limite le début. Les personnages, ils sont assez en fond de l'image, ils sont assez petits. Et donc t'as des trucs qui partent, ils sont là, ah merde putain j'ai perdu mon bras. Donc c'est assez particulier, mais oui c'est après quand t'as les scènes avec comment ça s'appelle le dieu là qui est contaminé et tout, qui le sanglier qui commence à courir partout, oui. Avec le truc dégueulasse plus la musique Isaichi derrière, c'est t'es dedans quoi, c'est prenant. Pour l'avoir revu il y a pas très longtemps, ouais, quand c'est passé sur France 4, je sais pas si ils l'ont diffusé. Oui, ils ont diffusé plusieurs, ouais, je crois. Ouais. Mais ils ont fait toute une session où il y en avait plusieurs, et là il y a Princesse Mononoke, là, il était rediffusé peut-être en un mois, je crois. Bah, tous les jours, vu, donc, ouais. Effectivement, ouais, c'est vrai. Bon, ouais. Et après, les gens ne comprennent pas pourquoi je préfère ça et que j'aime pas Disney. Ouais. Bah voilà, suffit de regarder, vous comprendrez. Hein. Non, puis même quand t'as vu le Roi Léo et que tu regardes le Roi Lion, ouais. Tu dis merde, putain, ils ont vraiment tout pillé ces salauds. Hein. Je sais pas, j'ai pas vu le Roi Lion en fait. Moi j'ai pas vu le Roi Léo. Le seul Disney que j'adore, c'est Aladdin, que j'ai revu d'ailleurs avec au Max Linder, avec les matinées au Max. Il n'existe plus pour le moment. Parce que tous les matinées, pareil, c'était les dimanches matins, 10h30, pour les enfants qui puissent revoir des grands classiques au cinéma. Non, il y a eu Bernard et Bianca, il y avait eu L'Histoire sans fin. Ouais. Il y avait eu pas mal de films comme ça, quoi. Et les gamins, c'était la première fois qu'ils allaient au cinéma. Ils avaient un popcorn qui est aussi grand qu'eux. Et voilà, quoi. C'est assez génial. Donc, au voir Aladdin au cinéma, j'étais comme un gosse, quoi. J'avais 20 ans de moins. À peu près. Oui, au moins tout ça. Voilà. Bon, du coup, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Bon, oui, c'est pas mal. J'espère que ça vous donnera envie d'y aller. Enfin, j'espère que l'épisode ne sortira pas trop tard. Non, histoire bah, que, normalement, si vous entendez, ça devrait être fait d'ici la fin de semaine. Vous pouviez y courir. Oui. Ah, du coup, j'ai une dernière question. Oui. Est-ce que tu comptes faire d'autres sorties dans l'avenir? Oh, bah oui, je pense, oui. Ouais. Je ne sais pas quoi encore, mais il y en aura sûrement. Ah, et tu veux refaire un vrai quoi qui se passe dessus, donc avec une partie avant, une partie après? Oui, j'essaierai de préméditer mon film avant. Bon, en tout cas, t'es le bienvenu, hein, tu sais où me trouver. Et... Ça marche. Du coup, bah, merci d'avoir partagé ton... Bah, merci à toi. Bah, de rien. On se dit à une prochaine. À bientôt. Salut. Salut. 女の子。